Cours numéro 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fanabda bi'idhni Allahi azza wa jal fi hadha al-yawm fi dirasati hadhihi ar-risala al-muhimma an-nafi'a al-iqtisad fi li'i'tiqad lil-imam Abd al-Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Donc on commence ensemble aujourd'hui la lecture et l'étude de cette risala, inshallah. الاقتصاد في الاعتقاد de l'imam عبد الغني المقدسي رحمه الله. C'est un résumé de la croyance des salafs. Dans le dars précédent, on avait fait ensemble, walillahi alhamd, un rappel sur l'importance et les bienfaits de cette aqida. Et اليوم نبدا في قراءة الكتاب. أولا هذه الرسالة الاقتصاد في الاعتقاد. C'est un résumé, comme a taqaddam, de la croyance des salafs. Wa al-mu'allif rahimahullah, il l'a appelé al-iqtisad fi li'tiqad. Wa sayati ma'ana anna ce titre, a ba'du ahl al-ilm, et yaqouloun anna fil haqiqa, c'est pas le titre de cette risale. C'est un autre livre, wa sayati inshallah. Awalan, on explique ou on éclaircit qalilan hadhihi al-alfaz al-iqtisad fi al-i'tiqad. Al-iqtisad al-murad bihi huna deux choses. Al-iqtisad, ce mot, tu peux en déduire deux points huna pour comprendre le titre de cette risale. اولا من معاني الاقتصاد التوسط والاعتدال. التوسط والاعتدال اي le juste milieu, كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اقتصاد في السنه خير من اجتهاد في بدعه. Suivre sunna sans exagérer, le juste milieu, sans rajouter, sans diminuer, c'est mieux que de faire des efforts fi al-bid'a. Limadha? Li'anna al-amal al-mubtada' qui a été inventé, il n'est pas accepté indallah. Falihadha, vaut mieux faire moins en suivant sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr avec la sincérité, que al-ijtihad, faire beaucoup d'efforts dans des choses, et c'est des bid'a. Il n'y a aucune source, aucune preuve. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في كتابه النافع إغاثة اللهفان: فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه وخير الناس النمط الوسط. Ça c'est pour montrer les bienfaits du juste milieu. فالاقتصاد في الاعتقاد أي التوسط فيه, أي le juste milieu dans l'aqida, entre deux extrêmes égarés, Ashab al-Ghulu, et l'autre extrême, Ashab al-Jafa, entre deux points, al-Ifrat wa al-Tafrit. C'est pour ça que Ahl al-Sunnah, c'est le juste milieu fi bab al-Iman, مثلاً, entre les Khawarij et al-Murji'ah. كذلك c'est le juste milieu fi bab as-sifat, entre ceux qui ont exagéré fil ithbat al-mumathila, ils ont fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à la créature, al-mu'attila, ils ont rejeté les sifat, il y en a pour eux ça implique de faire ressembler Allah à la créature. Ahl as-sunnah c'est le juste milieu comme ça yati ma'ana inshallah fi hadhihi ar-risala. Ahl as-sunnah ils sont wasat في ما يتعلق بأهل البيت. Ils exagèrent pas comme ils ont fait الروافض. عيادا بالله. كذلك لا يطعنون في أهل البيت المؤمنين الصالحين comme ils ont fait النواصب. فعلى كل حال الاقتصاد في الاعتقاد أي le juste milieu. La voie de أهل السنة, la voie des سلف. Ça c'est le premier sens. Le deuxième sens, الاقتصاد في اللغة يأتي بمعنى الشيء اليسير, الكافي, quelque chose qui te suffit. Et vous connaissez tous ce mot, الاقتصاد في كذا, tu dois faire des économies dans telle chose. فهذه العقيدة تكفي كل مسلم. Chaque مسلم في الحقيقة سي كومبخون هذه الرسالة. لأن الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله il a cité les principaux chapitres de العقيدة. ولله الحمد, en commençant par l'Iman بالله et jusqu'à ما يتعلق باليوم الآخر, le jour du jugement, les signes de la fin des temps, il a آخره. في الحقيقة هذه الرسالة نافعة مختصرة et تكفي. تكفي pour le مسلم qui veut connaître sa عقيدة au départ. Et là, chacun a طالب العلم s'il veut faire des efforts pour éclaircir أكثر, pour détailler, pour apprendre plus de choses, il étudiera d'autres livres après هذا المتن. وإلا فلو اعتنى أئمة المساجد بمثل هذا المتن وكذلك الإخوان avec leurs frères, avec leurs proches, مثل هذا المتن الاقتصاد في الاعتقاد ففيه بركة وخير. Et في الحقيقة ça ressemble au titre de l'autre imam qui a écrit un autre مختصر, الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. Et il a écrit un célèbre متن qui est connu sous le nom de لمعة الاعتقاد. وتقدم معنا أن لمعة الاعتقاد أي quelque chose qui te suffit, quelque chose qui te suffit dans ta aqida. فالاقتصاد في الاعتقاد, on peut résumer أي la voie du juste milieu, la voie des salaf. Et كذلك le résumé de cette aqida qui sera bénéfique et suffisant بإذن الله عز وجل pour chaque مسلم. تنبيه هنا أن بعض أهل العلم يقولون أن عنوان هذه الرسالة في الحقيقة عقيدة عبد الغني المقدسي أو عقيدة الحافظ أو الإمام عبد الغني المقدسي. C'est pour ça que tu peux trouver dans certains nusakh des versions de ce livre et le titre c'est pas al-iqtisad fi al-i'tiqad, c'est la croyance de l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi. وعد العلماء disent que le titre c'est al-iqtisad fi al-i'tiqad et d'autres disent que c'est la croyance de l'imam al-Maqdisi rahimahullah. الأمر سهل, l'essentiel c'est de comprendre cette aqida et qu'on la nomme par l'iqtisad fi al-i'tiqad ou aqida Abd al-Ghani al-Maqdisi, falhamdulillah l'amr il est sahl. Et fi al-haqiqa le fait d'appeler cette risale aqidatu al-imam Abd al-Ghani al-Maqdisi comme c'est cité dans la plupart des nusakh, dans la plupart des makhtutat avec ce titre, la croyance de l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi rahimahullah, fi al-haqiqa c'est aqrab. لماذا؟ لأن الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقة الحنابلة إلى ستين بيوغرافي دو الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله إلى ستين أنه إلى ليفر كي سابل الاقتصاد في الاعتقاد إلى ستين أن الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله إلى ليفر كي سابل كي سنوم الاقتصاد في الاعتقاد. الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله قال وهو جزء كبير. أولا تعلمون أن الحافظ ابن رجب رحمه الله c'est من أئمة الحنابلة et il connaissait beaucoup الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. Il lui a fait une biographie dans son livre ذيل طبقات الحنابلة. فهو من أعلم الناس بالحنابلة. الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله c'est من أئمة الحنابلة. هذا أولا. ثانيا الحافظ ابن رجب رحمه الله قال وهو جزء كبير. Il a qualifié l'iqtisad بالاعتقاد أنه c'est un juz كبير. الجزء c'est quoi? C'est un livre. Et il l'a qualifié de كبير. Et في الحقيقة quand tu regardes, quand tu analyses متن الاقتصاد, أما le livre qu'on a entre les mains, نحن c'est avec le tahqiq. وإلا sans le tahqiq, c'est quelques pages. Une dizaine, une vingtaine de pages. Le qualifier de juz كبير فيه نظر. فلعل الاقتصاد في الاعتقاد في الحقيقة سنتخل ربما مفقود Et Al-Hafid ibn Rajab, il a parlé de ce livre. C'est que son titre, c'est Aqidatu al-Imam Abd al-Ghani al-Maqdisi rahimahullah. Wal-Amr kama qulna sahl. Et nous, on l'appellera Al-Iqtisad fi l'Itiqad, il y en a la nusra qu'on a, c'est avec ce titre. Tambihun akhar. Une autre remarque avant de commencer. Anna Aba Hamid Al-Ghazali, il a un livre بنفس العنوان الاقتصاد في الاعتقاد. On doit faire attention de ne pas confondre لأن الغزالي لا يعتمد عليه في العقيدة وفي غيرها لأنه c'était un صوفي منحرف في باب الاعتقاد وفي غيره من أئمة الصوفية. C'est pas une référence في العلم. فهنا ننبه الإخوان أنهم يفون attention quand ils achètent un livre, le titre et l'auteur. Et si un muhaqqiq, le muhaqqiq. حتى يأخذون هذا العلم comme il a voulu l'auteur. رحمه الله. On fait attention via هذا. لأن البعض ربما ils peuvent confondre. أما الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله فمن أئمة السنة ولد سنة 41 و500 en 541 de l'Hégire, Bijama'il, dans une ville qui s'appelle Jama'il, min Ard, Naples, aïe, fait Palestine, aïe, fait Ard al-Sham, l'actuelle Palestine. Ou min talamidatihi, parmi ses élèves, Ibn Khalatihi, et il est connu, le fils de sa tante, Ibn Khalatihi, al-Imam Ibn Qudama, al-Maqdisi, rahimahullah. Son cousin, c'était son élève. Al-Imam ibn Qudama, rahimahullah, sahib al-Lum'a, sahib al-Mughni, al-Imam. C'était l'élève de Abd al-Ghani al-Maqdisi. Ça te montre le niveau et le rang de هذا l'imam. Wa min musannafatihi, parmi ses livres les plus connus, Umdat al-Ahkam, un livre que beaucoup d'étudiants, walillahi alhamd, ils apprennent, que beaucoup de savants, ils enseignent, ils expliquent. Et c'est son livre le plus connu. كذلك parmi ses livres Al-Kamal fi Asma al-Rijal. Et ce livre, il est important dans les biographies. Et في الحقيقة c'est عمدة التهذيبين الحافظ المزي. C'est من أئمة السنة, un grand imam dans la science du hadith. Il a écrit un livre تهذيب الكمال. في الحقيقة c'est Al-Kamal, l'origine. La base, c'est عبد الغني المقدسي رحمه الله, l'imam qui l'a écrit. Al-Hafidh al-Mizzi, il a fait un tahdhib. Il a arrangé des choses, il a enlevé des choses, il a rajouté des choses, il a corrigé des choses. Ça a donné une référence. Tahdhib al-Kamal de Al-Hafidh al-Mizzi, qui était à l'époque de Cheikh al-Islam, Nutaymiyyah رحمه الله. Thumma, Al-Hafidh ibn Hajar, l'imam al-Kabir, khasatan fi hadha al-sha'an, fi ilm al-hadith, il est venu après ces imams, il a écrit un livre Tahdhib al-Tahdhib. Il a rajouté, il a enlevé des choses. Hatta ça a donné cette référence qui est imprimée en plusieurs volumes dans la biographie des narrateurs du hadith. Thumma al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, il a résumé ce livre avec un livre qui est connu عند كثير من طلبة العلم, Taqrib al-Tahdhib. Al-Taqrib. Il a résumé toutes ses biographies en un mujallad et la chaque il a résumé. Il dit Fulan Sadour, Fulan Thiqa, Fulan Imam. Avec une biographie de une ligne ou deux lignes en forme de dictionnaire. Et c'est un livre très important pour les étudiants du hadith. La base de tous ces livres, c'est Al-Kamal fi Asma al-Rijal de هذا l'imam Al-Hafidh عبد الغني المقدسي رحمه الله. Parmi ces livres, كذلك, une risala sur Mihnat al-Imam Ahmed رحمه الله et d'autres livres. فكان إماما في السنة حافظا من الحفاظ سلفي العقيدة. C'est un salafi fi al-aqida. Il a suivi aqidat al-salaf. Et cette risala qu'on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, c'est une preuve على هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. توفي سنة 600. Il est mort en l'an 600 de l'Hégire. فنبدأ في القراءة وبالله التوفيق. قال الإمام رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن والحمد لله وحده حسبنا الله ونعم الوكيل. فبدأ رحمه الله بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله عز وجل وتأسيا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc il a commencé par le basmala en prenant pour modèle Al-Qur'an Al-Karim. Lien Al-Qur'an Al-Karim, le premier verset c'est Al-Basmala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ila akhiri surat Al-Fatiha. Kadhalik, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait des lettres rasa'il à certains rois à son époque alayhi salatu wa sallam, il commençait par Al-Basmala. بسم الله الرحمن الرحيم من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى فلان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة انتهى. La plupart des savants, des imams de la Sunna, quand ils commencent un livre, ils commencent par, quand ils écrivent un livre, ils commençaient par البسملة. فالبسملة On n'expliquera pas en détail, on a déjà expliqué duros kathira wa lillahi alhamd. Lakin pour résumer, ma'naha, c'est une kalima tufid al-isti'an billahi azza wa jal. Lianna al-ba, al-ulama yaqulun, c'est ba ou l'isti'an. Quand on dit bismillah, le ba dans bismi, c'est l'isti'an. Celui qui dit bismillahirrahmanirrahim, مثلاً, au début d'un livre, au début d'une lettre, au début d'une kalima importante, au début d'un dars, il demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il va faire, dans ce livre qu'il va écrire, dans ce dars qu'il va donner. كذلك, c'est une kalima, bismillahirrahmanirrahim, fiha barakatun azim. Il y en a quand on dit bismillahirrahmanirrahim, كذلك, fiha التبرك بسم الله عز وجل فمن أراد العون فيما يقدم عليه وكذلك البركة في فعله كنا نغليش با هذه الكلمة. C'est pour ça que le musulman il l'a dit avant de manger, c'est obligatoire. فلهذا المسلم il dit cette كلمة كثيرا avant de faire certaines œuvres. فلهذا العلماء ils donnaient de l'importance et au début de leur livre, au début de leur rasa'il, ils écrivaient bismillah ar-rahman ar-rahim. Ça fait partie de la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait détaillé هذه البسمله اكثر في اللمعه فيما اذكر او في الاصول الثلاث et dans d'autres livres. Et à l'occasion inshallah on la redétaillera dans des durus inshallah azza wa jalla. فقال رحمه الله ربي يسر وأعن وهذا كذلك فيه الاستعانة بالله عز وجل ربي يسر ça vient de التيسير la facilité أي demande à الله سبحانه وتعالى التيسير qui lui facilite وأعن وهكذا on doit faire des efforts نحن quand on veut faire une chose خاصة les choses importantes فنستعين بالله سبحانه وتعالى الحذر من الركون إلى النفس أو on se base et on pense qu'on arrive à faire les choses par notre intelligence, par notre courage إلى آخره. ça c'est pas طيب. Et في الحقيقة في مثل هذه الكتب المختصرة c'est une éducation pour جميع المسلمين. وربي يسر وأعن. Avant de commencer, il a cité le basmala. Et تقدم معنا que c'est une demande d'aide. الله سبحانه وتعالى كذلك قال ربي يسر وأعن. Et on verra que هذا الكلام ربما c'est la parole d'un élève de الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله لأن بعد ذلك va dire قال الإمام إلى آخره. Que ça soit l'auteur ou son élève فنستفيد. قال والحمد لله وحده حسبنا الله ونعم الوكيل. Après avoir demandé l'aide d'Allah سبحانه وتعالى en citant le basmala. ثم une deuxième fois بقوله ربي يسر وأعن. أعن أي c'est une demande d'aide. Vous connaissez le mot أعون, vous connaissez le mot الاستعانة. ثم قال رحمه الله حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله سبحانه وتعالى كافية. Si Allah سبحانه وتعالى décide, فهذه الرسالة يغادر النفع, يغادر البركة, فالسبي قدرة الله عز وجل أن هذا الإمام إلى إكري سترسالة إلى غيوسي على فينيغ إلى سبخوباجي داني أن داني دو جنراسيون جنراسيون جسكا كأنصمب ولله الحمد أن كمانس لتود أجوردوي. فالتوكل على الله سمهم والاستعانة بالله عز وجل سمهم ستخي تخي زمبورتان دو بلاسي سا كونفيانس أن الله عز وجل دو دوماندي أن الله عز وجل كيل نو فاسيليت. On lui demande de l'aide, khassatan fi talab al-ilm. Ne crois pas que al-ilm, c'est des sciences, que ce soit le Coran, que ce soit le Sunna, que ce soit la langue arabe. La religion, l'islam, que tu pourras l'apprendre en une journée, en une semaine, en un an, en quelques années là. L'haqiqa, c'est toute une vie, c'est un chemin que tu dois emprunter toute ta vie. Et pour réussir, il n'y a qu'une solution. C'est demander l'aide à Allah Azza wa Jal. Bien sûr, en faisant des efforts. Lakin, la base, c'est at-tawakkul ala Allah. Même si un tel minal-nas, il veut pas que t'apprennes, ou fulan, il te met des bâtons dans les roues, ou fulan, il fait tout pour t'écarter de ce ilm, si Allah Azza wa Jal, il a décidé que t'apprendras ce ilm, et tu le comprendras, fa bi-idnillahi Azza wa Jal, tu y arriveras. Lakin, nous devons faire les causes, demander. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiq al-sadad. Quand on commence un livre, quand tu commences, Akhil Karim, l'apprentissage par cœur d'une risala, quand tu veux conseiller, quand tu veux faire des doros, tasta'inu billah, et tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal. Qala, rahimahullah, qala al-shaykh, al-imam, al-alim, al-zahid, al-hafid, taqiyuddin, abu Muhammad, Abdul Ghani, ibn Abdul Wahid, ibn Ali, ibn Surur, al-hambali, al-maqdisi, rahimahullah ta'ala. Fala'alla, le début de la risala, na'am, c'était un de ses élèves. Thumma, il a rapporté la parole de son shir et il va citer la aqida de هذا الإمام رحمه الله. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء الموصوف بالصفات والأسماء المنزه عن الأشباه والنظراء. Il a commencé هذه العقيدة en citant certaines sifat, certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالله subhanahu wa ta'ala هو المتفرد بالكمال. Et il a des noms parfaits, des attributs parfaits. Il n'a pas d'associé subhanahu wa ta'ala في الربوبية ولا في الألوهية ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم il a cité certains attributs كالعز والكبرياء. Et هذا إن شاء الله تعالى سيأتي معنا في هذه الرسالة. قال المنزع عن الأشباه والنظراء. وهذا كذلك سيأتي معنا dans le premier chapitre qu'on lira ensemble بإذن الله. أي أن الله سبحانه وتعالى il n'a pas d'égo. Il n'a pas de semblable عز وجل. C'est l'أحد. C'est الواحد سبحانه وتعالى. Il est unique. قال الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن l'être humain quand il est encore dans le ventre de sa mère فأن ange y descend ويكتب رزقه son رزق وأجله كذلك sa durée de vie et est-ce qu'il fera partie de l'ashqiya ou as-su'ada. On a la croyance sûre, on n'a aucun doute, en chaque être humain, quand il est dans le ventre de sa mère, cet ange y descend et il écrit tout ce qui concerne cet être humain. Et ça, c'est min kamalillahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Il a créé هذا البشر et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui facilite. قال واستوى على عرشه فوق السماء. وهذا الباب c'est le premier chapitre qu'il a cité après ما يتعلق بمذهب السلف في الأسماء والصفات. Le premier attribut qu'il a cité c'est الاستواء. Et on détaillera inshallah quand on lira le chapitre. وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء. Et ça c'est من الأدب المهم de daiman au départ d'un livre d'un dars athana ala Allah en disant alhamdulillah limadha li'anna Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-khaliq c'est al-muttasif azza wa jalla bi الصفات الكاملة والأسماء الحسنى, نحن en tant que créature لابد من هذا الثناء. On dit الحمد لله. لماذا؟ لأنه nous a créé. لماذا؟ لأنه nous a guidé. لماذا؟ لأنه nous a facilité عز وجل. كذلك لأنه il a envoyé هذا النبي نورا ورحمة لجميع العباد. فالثناء لابد منه. كذلك الصلاة والسلام على هذا النبي عليه الصلاة والسلام. سأفضل الأنبياء. سيد جميع المرسلين. C'est le meilleur des prophètes. C'est le meilleur des messagers. C'est Khalilullah subhanahu wa ta'ala. قَالَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ الطَّاهِرِينَ الْأَتْقِيَىٰ صَلَاةً دَائِمَةً إِلَىٰ يَوْمِ اللِّقَاءِ. كذلك من الأدب de citer la famille du prophète alayhi salatu wa salam et ses compagnons. Et cette brève introduction, ça nous montre fil haqiqa quwwat hadha al-imam. Fanzuru quelques lignes, 5 ou 6 lignes, et il a cité fil haqiqa ce qu'il va citer dans le livre. Certains noms, certains attributs, il a akhiré. Et كذلك on s'aperçoit de sa quwwa fi al-lugha. هؤلاء الأئمة, ils ont fait beaucoup de sacrifices. في الحفظ, الإمام عبد الغني رحمه الله c'est un حافظ من الحفاظ. كذلك dans la langue arabe, كذلك في العقيدة في التوحيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم. Et أنت أخي الكريم, si tu veux profiter, tu veux faire des efforts, tu veux progresser في العلم وفي الدين, reviens à كتب هؤلاء. Et te laisse كتب المجهولين. Ou des personnes où il y a des doutes, ou des personnes où tu n'es pas sûr, reviens à Kalam Ha'ula, étudie leurs livres. Famitla hadi al-aqida, al-ulama, ils l'ont enseigné génération après génération, elle est expliquée, elle a été clarifiée, walillahi alhamd. Même s'il y a certaines choses, مثلاً كما في رسالة لمعة الاعتقاد بعض الزلات, tu trouves l'a'imma, al-ulama, nabbahu. فتلي إتي مرتع. أما هذه العقيدة ولله الحمد فما منتقدوا فيها المسألة كلية العقيدة أو أبدا, أي الاقتصاد في الاعتقاد. كذلك الواسطية. فسيد السليف كنت وابخفتي celui qui peut l'apprendre par cœur, فكي l'apprenne par cœur. بعض الأئمة ils apprenaient هذه الرسالة par cœur. Celui qui veut garder ses forces أو il est occupé par autre chose, فإلا apprendra الواسطية. وعلم أن الإمام ابن تيمية رحمه الله استفاد من هذه الرسالة الاقتصاد والاعتقاد, لأن الإمام عبد الغني رحمه الله il était avant شيخ الإسلام. C'est pour ça que المحقق الشيخ أبو عمرو وفقه الله il a cité أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استفاد منه. Et tu vois هذا في باب الاستواء, أن الكلام c'est le même. فça te montre أن هذه الرسالة في الحقيقة c'est au niveau de الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. Enfin, c'est dans ça qu'on doit faire nos efforts, ayyuhal ikhwa. Laissez le qil wal qal. Ne pas perdre notre temps avec des futilités. Comme minan nas, ils ne connaissent pas leur aqida. C'est un bois très simple. Comme minna, on ne les connaît pas. Même si on les connaît, on n'a pas le dalil, ahyanan. Et ahyanan, même si on a le dalil, on ne peut pas l'expliquer. Enfin, comment on va propager hadhihi al-aqida? Cette aqida, tu dois la propager dans des assises. Tu dois la propager auprès de ta famille, de tes proches, de tes amis. C'est ça un sunni, c'est ça un salafi, c'est celui qui propage cette aqid. Amma sunna ou salafiya, sans donner d'importance à l'aqida, ça donnera un sunni ou un salafi qui est vaïf. La première fitna, elle lui fera du mal. La première accusation, yafshal. Si un tel il n'est pas d'accord, ou un tel il part sur lui, ou un tel il hajar, va tu trouves yadhuf. لماذا؟ لأن il lui manque cette provision, هذا الزاد qu'on a cité dans le premier dors. فالعناية, العناية بهذا, ne perdez pas votre temps à autre chose. Celui qui a besoin de la langue arabe pour comprendre, pour pouvoir profiter, qu'il fasse des efforts dans la langue arabe. Et en parallèle, et qu'il étudie, qu'il apprenne هذه العقيدة العظيمة. فسي une نعمة من نعم الله عز وجل. أن tout nous est facilité في الحقيقة. المتن مختصر, Et la parole de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah, elle est très résumée. Al-Muhakkik, il a fait un travail tayyib. Il a cité ce que le hadith est da'if, amla, il a aqri tambihat, des remarques tayyib. Al-Ulama sharahouha, ou des livres qui ressemblent à ce livre. Tu trouveras les masa'il mashrouha. Si tu ne trouves pas un sharh directement dans cette risala, en fait, les shrouha de l'wasitiyya, c'est la même chose. Bab l'istiwa, c'est le même. Bab sifat al-yadain, c'est la même chose. Sifat al-wajh, c'est la même chose. Bab nuzul, c'est le même. Ta'at wulat al-umur, c'est la même chose. Ahyanan, qullana al-wasitiyya et l'iqtisad, c'est le même kalam, mot à mot. Fatastavid. Hadi, c'est une nasiha. On doit faire des efforts. Kutub al-a'im. Prends-deux directement. Et fais beaucoup d'efforts pour comprendre. Et pour comprendre, bien sûr, il faut revenir aux savants de notre époque. Et résume. Prends des notes. Apprends al-adillah. Et tu progresseras dans ton dîme. Ce qui nous fait du mal, une génération. Beaucoup de cette génération, ils ne connaissent pas le aqid. Ils connaissent les titres, al-wasitiyya, ou le mu'at-i'tiqad. On sait certains points. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa créature, au-dessus de son trône. Wallahil hamd, on connaît hada. Mais il faut faire plus d'efforts. Ahlul bid'ah, ils ont des shubah. Al-ash'ari Abdullah, ils ont des ambiguïtés kathira fi hadhihi al-aqida. Ahlul kufr wal-ilhad, ils combattent cette croyance laylan wa nahara. Fa, ils font un juhd, faire des efforts, se fatiguer vie dans l'apprentissage de cette aqid. Hifdhan wa dirasatan, dans des assises entre vous, la révision, hatta vous verrez que celui qui donne de l'importance à cette aqid, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élèvera. Celui dont l'objectif c'est cette aqid, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilitera. On n'apprend pas la langue arabe comme certains que pour connaître la langue arabe. بعض اليهود بعض النصارى بعض المشركين ils font des efforts dans l'apprentissage de la langue arabe comme on l'a cité plusieurs fois. Imma pour combattre l'islam, imma c'est une passion, imma بعضهم ils sont intéressés par les langues, donc vu que c'est une langue qui est très répandue ils veulent apprendre. Nous c'est pas pour ça, nous on apprend cette aqida, notre principal objectif c'est de comprendre notre aqida. Les anna apprendre la aqida en langue française, c'est pas suffisant. Celui qui vient de rentrer dans l'islam et il ne connaît pas la langue arabe, et il commence par la lecture d'un livre en langue française, ou en dors en langue française, Alhamdulillah, c'est un bon départ. Mais avec des années, Badoumi, ils sont à leur 10e année de l'istiqam, ou plus, et ils ne connaissent pas encore le aqida, ou ils n'ont pas les moyens de pouvoir profiter de cette aqida, il leur manque. Naam, on disait l'importance de faire des efforts dans l'outil. On disait al-ba'd, ils n'ont pas accès les mains, il leur manque l'outil principal, la langue arabe. Faire des efforts dans la langue arabe, et notre but, comme on a, c'est pour connaître cette aqida. Ce n'est pas que pour connaître l'arabe et faqat là, c'est pour comprendre hada al-Qur'an al-Azim, comprendre l'aqida des salaf, comprendre al-tawhid. Et faire des efforts dans notre din. Et man akramahu Allah subhanahu wa ta'ala bi al-ilm, ay annahu il a des bases en langue arabe, falyahmadillah wa kadhalik ash-shukr de cette ni'ma, en faisant des efforts à m'apprendre la langue arabe. Et dès qu'on a compris, et khalas, ça s'arrête là. Et le ba'd rubbama yutajirun bil-ilm, leur ilm c'est devenu que pour gagner de l'argent. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour propager le haq, c'est pour apprendre la vérité et faire profiter les autres. Et risque, c'est bien d'Allah, celui qui est sincère. Et yattaqillah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre les portes de l'ilm et du risque. Da'iman, on revient aux priorités, ya ikhwan. Une de nos priorités, ça doit être tahqiq hadha al-mu'taqad al-azim. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala et on doit connaître Allah azza wa jal. Il y en a celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sincère, il voudra connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a des noms azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des attributs. Allah Jalla wa Ala, il a envoyé des messagers avec un message, des choses à transmettre. Enfin, on doit faire des efforts fi hadha al-bab. Fal-aqida, c'est aham. C'est aham ma yakoun pour le musulman. On ne dit pas que pour talabat al-ilm, pour le musulman. Lakin pour talabat al-ilm, akthar. Lianna al-awam, ils n'ont pas accès à ces ouvrages. Ils n'ont pas accès, ils ne les connaissent pas, ou ils ne sont pas motivés, ou ils ne donnent pas assez d'importance. Enfin, le lien entre l'ulama et l'awam et l'al-muslimin, et les musulmans de la masse, c'est les étudiants. C'est anta akhil karim, tu fais des efforts et tu apprends, et tu essayes de transmettre, de faire parvenir hadha al-ilm à tes frères musulmans de la façon la plus simple, avec un bon comportement. Tu lui résumes. Il y a des choses, ils peuvent pas comprendre. Certains taqsim, certains tafsil, tu lui résumes. Son adoration, il aura un goût. Et il connaîtra Allah subhanahu wa ta'ala, il connaîtra certains noms, certains attributs. Et ça lui facilitera. Et anta, tu as une récompense énorme. Comme min awam. Combien de awam min awam al-muslimin? Anahum, ils ont une bonne niya. Anahum, ils aiment le din. Lakin, ils ont encore cette aqida. Anna Allah Azza wa Jal, il est partout. Qui c'est qui va leur montrer? Anna hada, c'est du kufr billah Azza wa Jal. Ça contredit notre aqida. Allah subhanahu wa ta'ala, qala ar-Rahmanu ala al-Arshu istawa. A'amintum man fi s-sama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Al-Jariya, à cette jeune fille, « Aïna Allah, elle a dit « Fils sama ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté sa réponse. Et tu trouves un « Ammi, bel kathir minhum ta'atharu bi as-soufiyya, wa bil rawafid, wa bi ghayri ha'ula min du'at, wa min firak al-dhalal. » Et ils disent « Allah, il est partout. » Ba'adhum, ils interdisent, ils n'acceptent pas que tu dises « Anna Allah, il est fils sama ». Ou tu dis « Allah, il est où ?» cette question. Alors quel est cet effet sunnah? Alors que l'ulama, ils l'ont traité l'imala. Les anna ahl al-bita'i wa al-dhalal, ils ont fait un énorme effort pour propager leur aqida. Undur al-sufiyya. Sufiyya, tu trouves, c'est min ajhal al-firaq. Ils n'ont aucune inaya bil-il. Ils sont occupés par al-lahu. Ils dansent, ils massagent, ils mangent, ils akhir, ils foussaq. Ma'ana, tu trouves que leur aqida s'est propagée l'imada. Les anna, dans leur batal, ils ont fait des efforts. Tu le vois, hada, fi jama'at al-tablir, c'est des sauviyas. Juhal, ils connaissent rien à leur din, lakin le peu d'efforts qu'ils ont fait fi le batal, kathir min al-nas, ils ont accepté. L'imada, les anna, al-awam, ils sont comme ça, ils aiment le din. Le premier qui vient avec un bon comportement qui leur montre, khasatan, celui qui dit, qala Allah, qala Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, fahoum, ils acceptent. On a laissé la place à Haoula. C'est pour ça que ça s'est propagé. Wa illa, fa a'immatul islam. Tu trouves, ahyanan, wahid, bi idnillahi azza wa jal. Thumma, par les efforts de cet imam, tu trouves un pays entier qui accepte une aqid. Ou kathir minhum. On a un exemple vi al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. On a un autre exemple vi al-imam al-shaykh Muqbil ibn Hadi. Rahimahumullah jami'an, ils ont fait des efforts et aqidat salaf se propage très très vite. Wa hakada aqidat al-mubtilin se propage très très vite. Alors on n'a pas le droit de délaisser nos frères sans leur montrer le haq. Khassatan à notre époque, tout est facilité. Si on te laisse pas parler dans ton pays ou tu peux pas donner de doros, ou alhamdulillah tu as les moyens de communication. Tu peux traduire, tu peux résumer, tu peux montrer, et ça se propage très très vite. Lakin bishart, une condition, l'insan qui parle, il a fait des efforts avant vu l'ilm, et il sait de quoi il parle. Hada, c'est un rappel pour moi, et pour vous, et pour jami'a, ikhwanina qui nous écoutent, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq, et on passe au dars suivant.